des amis, on a des femmes. On a des ennemis, on a des armes. On a des cris, on a des larmes. On a des joies, on a des peines. On a tellement de choses qu'on ne sait plus quoi.